Baudelaire Kuyena. Nalingi yo bonyo komo kimanga motemo lieti kapieti ngami yo. Pourquoi la rose n'a pas de pine elonge komi nga seka kalao. Nazoa pona susi nzamba kabola bolingo na sanya mou regalite. Kasili swamba ni sepe lagate komo nalingi achana sheri na ye. Papa otike nyo kolongai nalimbi seza motambo ti. Merci a pesi nga ya pasi ye. Adi Deo koso Salomé Bata. Pona ni biso ba kongole to zalaka boye. Oza na permite mozumi mana Paris. Etu mongongo, papa na Chelsea. Papa ya kako, ata ya banyongo na ndimi. Pardon songako, ata ya kodefa na ndimi. Songa songa ye. Christian Belebinda. Anel Kakito. Ayo, na komi riche na basusi na simbi sa pasta pasta pona ye. E konta jemi tema ya banimi na ye. Alobi ya bonzaga bisengo. Mamingeni, Clarisse Mbongo. Portera bonze linga mawa. Florian Dicole. Mimi Kalombo na Bruxelles. Mamu ngola yebalo lango, yakola kisanga kadas. Mamu kongo yebako bomba, yakola kisande ngako bomba ka esma chéri. Salile mwa mifambe, Fogitoro. Akoyoka lolango, Petrolier. Kumisaka imba saka bisengo. Baudelaire, pour toi moi, yoé, manina baso fete. Ata moi lope la sentiment na soua wabye. Baudelaire, ouye, he he la. Fabrice Mola, Bob et Bamba Ashley. Et ça la rien, je suis prêt pour toi Baudelaire. Chagé Moussa. Pour toi moi, manina baso fete. Ata moi lope la sentiment na soua wabye. Baudelaire, ma ma vina. Clète et Anelini. Sentimae, c'est la namoke, la lukamoto. Boba komi opo mangai, nelenga wa pona sare foule na mboka bisengo. Dani Kobangi Petrolier. Angai, papa na banalie pilo kwa mbanda love suisa nga nga mawai. Te ngai mawai, lelo bilia kinga bikoki. Pardon, je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps, je suis prêt pour toi, Baudelaire. Pour toi, moi, je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps, Claude Wonga. Na kitisa yo tona matisa. Matisa. Andresse la tche mon bobe poyo sepela. Et ça la rien, je suis prêt pour ta Baudelaire. Ou ton goyo e, baninga baso fite. Ata moi lope la sentiment nan zo a wapie. Baudelaire, Kuyena. Maître Paul Tchonga. Hey Baudelaire, Kuyena me kweni le boli. Una munu me kwenda wang wang wang. Que faca toda a mente puro com a Samuel o puro. E a malanza vista na luxi. DJ que nem na Luanda. No era com a que linha de paz. Bebê, yaga. Mas já sei a cana bondela yo. Yamati nzobe. Ani baboia na bandela yo. Naomie, yaga. Willy chumo na siamela yo. Yaga prise bola. Barbita bolimo bozi boche simanda rangai Mateza la galere turenga na beta kinga kagale Signor Branco Una lemba baka te jone na banka te ru Bote kuyera buko salinga kolo kolingo eza des personnes groupées comme à trois personnes. Arnold de Matisse. Yona Maluna pour consanina kolo. Eh bien, Barie, à l'invite à Wazekwa, de tout le Kawi. Mais pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon. Caché pour mon gambi. Fifi n'en pouvait.